grand ours. Cette année j'ai dû faire le million. Je fume du shit et je regarde la grande ours. La plupart c'est des bras cassés. Le rap game a besoin d'une hôtelle. Je me lève, j'ai la vue sur la mer, baby. Je dois accrocher à Philippe qui m'appelle. Petit déj, le joint, le café. Si j'ai pas dormi, t'es du jack. Je prends le cake ultra de 50. Sur la scène, je fais mouiller des chattes. On se bute, on sort au produit. Elle a 20 ans, elle est déjà veuve. On vend toutes sortes de produits. Mon gros, même des plasmas au tableau. T'es une pute, t'auras jamais les bons. Une cristal pour le chat ou le plomb. Y'a pas de solution, comme dit Pablo, c'est l'oseille ou le plomb. Ils vivent dans le paraître. Ils aiment faire les racailles. Après le week-end en boîte, la semaine, ils font que manger de la paille. On n'a pas les mêmes buts, pas les mêmes buts, pas les mêmes feats. On n'a pas la même vie, pas la même vie, pas les mêmes feats. La France m'a mis sur une fiche, un temps j'ai mis de l'argent. Madame, je ne suis pas riche, je suis juste un pauvre qui a de l'argent. Je suis né pour faire de l'oseille, ou bien faire de l'horreur. Je leur laisse la liberté, c'est juste pour qu'ils commettent une erreur. On n'accepte que des narvalos, ces bolos tombent tous dans le panneau. Avec ta bourse, tu peux seulement t'acheter un petit pédalo. Ils sont malades des voleurs, je suis petit taille comme Nicolas. Je représente des filles, des putes qui courent, moi je suis le cours du dollar. Fungirola, Benama de là, je fais sur la côte jusqu'à Marbella. L'argent fait tourner les têtes, encore 2-3 lions et je me barre de là. Pour Jean-Mi et Sani, ils payent une sale addition. Le rap c'est l'intérim, dès que je ressors du star, c'est leur fin de mission. Tu ne pourras rien faire, ni même prier la Madone. T'as besoin de la parole. Tu lèves le doigt, je la donne. La crime, libre d'eux. Hey, si tu veux la parole, tu lèves le doigt, je la donne. Big up si tu travailles, ou si tu fais passer la tonne.